Fuyons, puisqu'il le faut. Adieu, Pauline, adieu. Dans une heure au plus tard, je reviens en ce lieu. Quel sujet si pressant à sortir vous convie? Y va-t-il de l'honneur? Y va-t-il de la vie? Il y va de bien plus. Quel est donc ce secret? Vous le saurez un jour. Je vous quitte à regret, mais enfin, il le faut. Vous m'aimez? Je vous aime. Le ciel m'en soit témoin 100 fois plus que moi-même. Mais mon déplaisir ne vous peut émouvoir. Vous avez des secrets que je ne puis savoir. Quelle preuve d'amour! Au nom de l'Hyménée, donnez à mes soupirs cette seule journée. Un songe vous fait peur. Ces présages sont vains, je le sais, mais enfin, je vous aime et je crains. Ne craignez rien de mal pour une heure d'absence. Adieu, vos pleurs sur moi prennent trop de puissance. Je sens déjà mon cœur prêt à se révolter et ce n'est qu'en fuyant que j'y puis résister. Tais-toi, mon père, viens.